S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre avec la Russie. Donc, c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. Afrique Média, le monde, c'est nous.